Dans la deuxième partie, nous abordons le sujet d'abord des parasites de la conscience. Vous apportez souvent le terme entité dans les conférences publiques. Et puis, est-ce qu'on pourrait considérer que tout ce qui crée un masque, vous parliez de densité de l'ego dans la première partie, tout ce qui crée un masque à l'ego, à la source, c'est les entités ou une forme d'astralité quelconque qui génère le masque en question. Est-ce que l'individu, quand il doit se libérer de son opacité égoïque, là, est-ce qu'il faut qu'il se libère d'entité ou d'influence astrale de d'autres plans? Bon, on peut prendre l'occasion là, pour parler des entités. Quand on parle d'entité astrale, effectivement, l'homme peut être bloqué dans son évolution par les entités astrales. Ça, c'est presque mondial. Par contre, il n'y a pas seulement des entités astrales qui bloquent l'évolution de l'homme. Il y a des égrégores aussi, des égrégores astrales. Puis ça, c'est important de voir la différence. La pensée, c'est une énergie. Mm-hmm. La pensée qui est générée par des émotions, c'est une énergie. Puis toute forme d'énergie personnalisée, autrement dit, toute forme d'énergie qui peut être rendue au mental, perçue par le mental, comme une forme de pensée, devient ce qu'on appelle un égrégore. Puis, un être humain peut être très, très conscient, puis il peut être testé de temps en temps par des égrégores qui font partie de l'éther astral, qui peuvent, des égrégores qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés par son énergie supérieure pour voir jusqu'à quel point il est manipulable. Ça a aussi un lien avec les entités. Ça n'a rien à faire avec des entités, c'est simplement un autre aspect du mystère de l'astral, un autre aspect du mystère de la conscience humaine. Puis je vais faire la différence entre les deux. Des entités, ce sont des morts qui sont dans l'astral, qui continuent à communiquer avec l'homme, puis qui rayonnent, puis qui se mettent en vibration avec l'homme, à son insu. À travers le canal mental, donc l'homme a l'impression que c'est lui qui pense, mais c'est pas lui. OK. Il y a un autre niveau plus subtil de l'astral, qui est le niveau des égrégores. Puis, le problème fondamental de l'être humain, ce qui empêche l'homme sur la Terre d'être heureux tout le temps, c'est pas nécessairement les entités. Ça va plus loin que ça. Parce qu'une fois que l'homme est libre de ses entités et qu'il est suffisamment dans son intelligence, il peut être manipulé par des égrégores. Puis je vais faire la différence pendant quelques minutes. Les entités sont des êtres, des âmes. Des égrégores ne sont pas des âmes, ce sont des énergies. Puis ces énergies-là font partie de tout le vocabulaire de l'humanité. Quand je parle du vocabulaire de l'humanité, je parle de la mémoire de l'humanité. Quand vous rêvez le soir, par exemple, vous rêvez des choses que vous n'avez jamais pensées, vos rêves sont faits d'égrégores d'énergie. Parce que quand vous rêvez le soir, au lieu de penser, parce que l'ego est en suspension, il n'y a pas de mécanisme de réflexion, à ce moment-là, vous vivez de la pensée égrégorifiée. Un rêve, c'est de la pensée égrégorifiée. Puis, souvent, vous faites des rêves à ce niveau-là. Puis, le jour où vous vivez aussi des pensées égrégorifiées, de sorte que ces pensées-là font partie de toute la réserve infinie de pensées qui ont été créées puis qui sont enregistrées dans l'astral de l'humanité sur notre planète. Puis l'homme, selon sa vibration, selon sa réceptivité temporaire, attire ces égrégores-là. Puis, ça vient très vite. Puis ces égrégores-là viennent sous une forme de pensée, puis ce ne sont pas des pensées réelles, ce sont simplement des flashs d'énergie, et l'homme doit se méfier de ceci. Et ce sont plutôt les égrégores qui empêchent l'homme d'être totalement bien dans sa peau tout le temps que les entités. Parce que les entités, un être qui est suffisamment évolué, est suffisamment libre des entités. Les gens qui ont des entités, ce sont des gens qui sont réellement débalancés au niveau du corps astral. Mais par contre, les hommes ne sont pas libres des égrégores. Puis, quand je parle des hommes, là, je parle des hommes, même des hommes très, très évolués, ne sont pas libres des égrégores, parce que quand on vit un stress dans la vie, je vais vous donner un exemple simple. Supposons que... je pourrais vous donner un exemple. Tu es chez vous, tu travailles à sa maison. Tu prends ton échelle, tu montes à sa maison, tu montes sa toiture. Il y a une tension psychique, là, entre toi-même et le sol. une tension. Fait que temporairement, tu es déséquilibré parce que tu es dans un niveau spatial qui n'est pas terre à terre. Qui n'est pas commun. À ce moment-là, ton système psychique est mis en vibration par la tension psychique de l'environnement, puis automatiquement, les égrégores rentrent. Fait que tu peux avoir un égrégore qui va rentrer, qui va dire... ça veut dire n'importe quoi. Mais tu vas voir que ta tête est pas en paix. Tu pourras pas peinturer dans 50 pieds des airs en plein silence. Il va y avoir quelque chose qui va venir t'achaler. Puis dans, si tu conduis ton automobile sur la route, tu vas vite, tu fais du 120, du 130, hop, ça rentre. Donc, les égrégores sont des énergies perpétuelles. Les entités ne sont pas des forces perpétuelles. Les égrégores sont des énergies perpétuelles et l'homme se libérera des égrégores seulement à un moment dans sa vie où il aura réellement pris conscience de sa domination sur le mental. Ça, ça veut dire qu'il va venir un point dans la vie de l'évolution, dans l'évolution de l'homme, où l'homme va être dans les situations les pires, les plus difficiles. L'homme va être capable de dominer l'énergie de son mental et être libre des égrégores. Mais ça, ça fait partie de l'évolution de la conscience humaine. Donc, c'est long, ce processus-là. C'est pour ça que quand vous avez des problèmes dans la vie, on dirait que vous dites, on pense plus dans ce temps-là. Bon, mais le phénomène de penser plus quand ça va mal, puis regardez-les, quand ça va mal, ça pense plus. Il y a toutes sortes d'égrégores qui rentrent. Et c'est très important pour l'être humain de prendre conscience de la permanence de ces formes d'énergie-là, puis de s'en libérer instantanément, parce que c'est une, ça fait partie des lois du plan astral. Puis un être humain qui se libère de ses pensées égrégorifiées-là instantanément, qui devient habile à ça, éventuellement, mais il reprend son calme tout de suite. Puis dans les moindres situations qui déséquilibrent ses énergies, il reprend son calme, puis il reprend son calme, puis il reprend son calme. Donc c'est pas, quand on parle de l'inconscience humaine, effectivement, il y a des êtres humains qui sont débalancés par des entités, mais il y a beaucoup plus d'êtres humains qui sont débalancés par des forces égrégorifiées. Puis les égrégores sont très permanents, puis sont très puissants, puis sont très près de la conscience humaine. Si l'homme n'avait pas d'égrégores, ou si l'homme n'était pas en contact avec des égrégores et qu'il n'était pas en contact avec des entités karmiquement parlant, l'homme serait pas capable de supporter la solitude de son mental, autrement dit, le vide de son mental. L'homme serait pas capable de rester 3-4 semaines, 1 mois, 2 mois, 5 mois, sans qu'il pense. Donc les égrégores servent temporairement à donner à l'homme l'illusion qu'il pense. Jusqu'à temps que l'homme soit capable de supporter un vide mental total qui est remplacé par la communication avec les circuits universels. L'homme n'est pas prêt à ne pas penser. Ça, c'est au cours de l'évolution que l'homme en arrivera à ne plus avoir besoin de penser. Ce qui crée le phénomène de la pensée dans la conscience humaine sur la Terre, Ce sont d'abord les formes égrégorifiées. Ce sont les égrégores qui créent la forme pensée. Puis, au fur et à mesure où l'homme va prendre conscience des structures psychiques de son moi, il va prendre conscience de la pensée, d'ailleurs, il en est conscient de la pensée, il va commencer à prendre conscience de l'origine de la pensée, qui peut être du plan astral des entités. Où il va prendre conscience de la manipulation de sa pensée à travers la connexion des égrégores à son mental. Puis ensuite, il va prendre conscience de sa pensée à un autre niveau, au niveau du mental pur, qui est le contact télépathique avec les circuits universels, qui est ce que j'appelle son double ou sa source. Donc, il y a des étapes. Mais pour que l'homme en arrive à franchir ces étapes-là, pour qu'il prenne conscience d'abord de la pensée comme étant un phénomène subjectif qui lui est imposé, qui fait partie du contact possiblement avec des entités, ou qui fait partie du contact possiblement avec des égrégores, et où il peut mesurer l'évidence de ce phénomène-là, c'est que dans une pensée qui est mise en vibration par des entités, ou dans une pensée qui est mise en vibration par un égrégore, la pensée elle-même cherche toujours à déséquilibrer l'ego. Tandis que la pensée qui vient du double, de la source, de l'homme cosmique, dans l'homme matériel, ne cherche pas à déséquilibrer l'ego. Elle cherche au contraire à renforcer l'ego. Donc, il y a une séparation initiale, profonde, fondamentale, dans la constitution psychologique du moi. L'homme doit savoir, connaître, reconnaître, comment se structure le moi. Donc, chez l'homme, il y a un moi planétaire qui est à la fois le produit de l'actualisation des entités ou des forces égrégorifiées ou des égrégores, et il y a la partie cosmique du moi qui est simplement le rayonnement vibratoire d'une énergie qui vient du plan mental, qui se fixe dans le mental de l'homme et qui devient pour l'homme une communication télépathique, mais au niveau des circuits universels. À ce moment-là, l'homme ne peut plus vivre sa conscience personnelle évolutive au même niveau. Elle devient très, très prépersonnelle, très créatrice, mais elle est sujette à des lois différentes, des lois de l'évolution ou de la pensée psychologique de l'évolution qui est rattachée au phénomène des entités ou au phénomène des égrégores. Une fois que l'homme va avoir saisi ceci, il va commencer à prendre conscience, puis il va commencer à voir et à saisir jusqu'à quel point il est manipulable dans ses émotions. Donc, si l'homme s'actualise dans la générosité, si l'homme s'actualise dans la charité, si l'homme s'actualise dans une action quelconque, il va voir si sa pensée est égrégorifiée ou si elle est le résultat de la connexion avec une entité, ou si sa pensée, elle est totalement cosmique. Et si elle est cosmique, automatiquement, il va vivre une perception mentale différente de ce qu'elle serait dans un autre cas. Et c'est là que l'homme va commencer à prendre conscience, il va commencer à prépersonnaliser sa conscience et rentrer dans un rayonnement d'énergie mentale très différent de ce qu'on a connu pendant l'évolution et devenir très, très indépendant dans son esprit. Quand je dis être indépendant dans son esprit, ça ne veut pas dire ne pas avoir respect pour l'humanité ou le reste de l'humanité. Ça veut dire être indépendant dans son esprit, ne peut être influencé dans son esprit par des forces qui ne font pas partie de sa réalité psychologique au niveau du moi. À ce moment-là, l'homme aura un moi réel, c'est-à-dire un moi qui n'est pas basé sur la déformation psychologique de son être. Parce que l'ego, c'est de la déformation psychologique constante. Pourquoi est-ce que l'homme souffre sur la Terre? Parce que son ego vit toujours une forme de déformation psychologique. Que la déformation psychologique vienne de la mémoire de la race, qu'elle vienne des religions, qu'elle vienne des philosophies, qu'elle vienne des idéologies, l'homme vit toujours une déformation psychologique parce que la conscience de l'homme sur la Terre, elle est rattachée sur des pouvoirs extérieurs à lui-même. Que ce soit un pouvoir temporel, idéologique, que ce soit un pouvoir spirituel, religieux, il y a toujours un pouvoir quelconque qui cherche à mettre sa mainmise sur la conscience de l'homme. Donc, l'homme, lui, il n'en reste plus, il n'en a plus de conscience. Donc, quand il n'a plus de conscience, il devient quoi? Il devient simplement une loque humaine. Il n'est pas une coque astrale, mais il devient une loque humaine. Et à ce moment-là, les coques astrales ont beaucoup de pouvoir sur lui, et ça met sa vie psychologique en constante perturbation, en constante turbulence, et l'homme ne peut pas avoir de paix d'esprit. Donc, il va essayer de trouver la paix de son esprit dans les religions, mais les religions n'ont pas le pouvoir de donner à l'homme la paix de l'esprit parce que les religions sont des systèmes, des idéologies spirituelles qui sont venues après les initiés. Les religions sont des conséquences spirituelles d'une puissante vibration sur la Terre dans un certain temps qui a été mise en marche pour des raisons totalement différentes par des hommes qu'on appelle des initiés, le Christ par exemple, ou Mohammed par exemple, ou Bouddha par exemple. Donc la conscience d'un Bouddha, la conscience d'un Christ, la conscience d'un Mohammed, ce n'est pas la conscience des hommes qui vivent par rapport à des égrégores spiritualisés après 2, 3, 4 000 ans. Vous voyez? Donc l'homme doit revenir à sa source, c'est-à-dire qu'il doit revenir à une conscience universelle que probablement ces êtres-là, le Christ, Bouddha et ainsi de suite Mohammed avaient dans différents contextes psychologiques, mais dans des époques où l'humanité avait besoin d'un certain message à la hauteur de la compréhension symbolique, psychologique des masses qui faisaient partie de la population dans ce temps-là. Un être humain, un homme comme le Christ, par exemple, qui arriverait au 20e siècle pour parler à l'homme, il ne pourrait pas parler dans des paraboles comme dans ce temps-là. Il serait obligé de parler différemment. Un Bouddha, ce serait la même chose. Un Mohammed, ce serait la même chose. Donc, il serait obligé d'instituer sur le plan matériel une conscience qui est réellement révolutionnaire sur le plan psychologique de l'ego pour permettre à l'ego, finalement, parce qu'il est capable aujourd'hui, le plan mental étant suffisamment développé, de connaître les lois occultes ou les mystères de la conscience, au lieu de vivre simplement par rapport à des données qui sont insuffisantes pour un homme qui, aujourd'hui, a la capacité de supporter l'infinité de la communication. Et l'homme, aujourd'hui, est rendu à ce point-là. Ce sont les computers, les cerveaux électroniques qui ont dénoté la capacité de l'homme de travailler avec des systèmes de communication à l'infini. Donc, si l'homme est capable de travailler avec des systèmes matériels qui, au cours des années surtout, vont lui permettre de travailler avec des infinités de données, l'homme est capable de travailler avec des systèmes psychologiques psychomatériels qui, eux aussi, sont capables de, au cours des années, de travailler avec lui sur une base d'une infinité de données, mais à une autre échelle de temps. Mm. Et aussi avec une autre portée dans le temps. Mais pour ça, ça demande que l'homme en tant qu'être se libère des égrégores, ou surtout des entités astrales, qui diminuent son rayonnement psychique, qui diminuent sa conscience. On parle souvent, on dit souvent, les religions, comme Marx dit, l'opium, les religions, c'est l'opium pour les masses. OK, les religions, c'est l'opium pour les masses. On peut dire les idéologies aussi sont l'opium pour les masses. Autrement dit, toutes les formes de pensée sur la Terre, que vous soyez chinois, russe, américain, français, allemand, c'est de l'opium pour les masses. C'est pas seulement les religions qui sont de l'opium pour les masses. Donc, tout ce qui existe au niveau de la conscience collective, c'est de l'opium pour les masses. Et l'individu qui sort de cette conscience collective-là doit se sortir de la puissance d'influence qu'ont ces différents opiums-là. Mais ça demande une capacité de supporter seul sa conscience. Et c'est ça qui sera difficile. Parce qu'un homme qui supporte seul sa conscience, moi, je vais vous donner un titre d'une conférence que vous devriez faire. Là. Vous devriez faire une conférence qui s'intitulerait, plus court, là, parce que ça va être trop long, le titre, l'élimination de la souffrance dans la vie de l'homme à tous les niveaux, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ça crée dans l'homme une très grande force et ça l'amène à être très intelligent. L'homme ne pourra pas devenir intelligent s'il n'en arrive pas à éliminer dans sa vie la souffrance à tous les niveaux. Quand je parle de la souffrance à tous les niveaux, je parle de la souffrance à tous les niveaux. C'est ça, t'as quelque chose à faire, t'as quelque chose à travailler sur tes propres corps subtils pour en arriver à être intelligent. Donc, tu ne peux pas, l'homme ne deviendra pas intelligent sans avoir appris à éliminer la souffrance dans sa vie à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que la souffrance dans la vie de l'homme, elle est reliée quelque part, à un niveau évident ou à un niveau souterrain, à des égrégores de pensée, ou à des pensées, ou à des opinions, ou à des formes de pensée qui font partie de la conscience expérimentale de l'humanité. Donc, quand l'homme souffre, vous allez dire, ah ben c'est, je souffre à cause du système. Vous ne souffrez jamais à cause du système. Vous souffrez à cause de votre façon de traiter avec le système. C'est vous autres, en tant qu'individus, qui n'êtes pas suffisamment intelligents pour traiter avec le système d'une façon intelligente. Fait que le juif qui dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui dit, bon, on a souffert, nous autres, les juifs, à cause de Hitler, c'est pas vrai. Vous n'avez pas été assez intelligent pour vous libérer de la mémoire de la race, pour vous libérer des sentiments que vous aviez par rapport à la race juive, pour vous libérer par rapport à l'importance du sionisme juif, pour vous libérer de l'importance du patriotisme racial juif. Donc ça, cet égrégore racial-là vous a emprisonné en tant qu'individu. Fait quand Hitler est venu au pouvoir en 32, qui a fait le putsch en 32, vous n'avez pas été suffisamment vite pour crisser votre cave à aller aux États. Il y en a qui l'ont fait. Je parle au niveau de ça. Ouais. C'est la même chose pour tout le monde. Je prends les Juifs comme exemple. Donc, quand on parle de conscience supplémentaire sur la Terre ou qu'on parle de l'évolution de nouveaux cycles de conscience sur la Terre, ça ne peut venir et ça ne viendra que de l'homme lui-même, totalement informé par lui-même. Donc, l'homme a un coup de pouce aujourd'hui au niveau de l'explication des lois occultes du mental. Mais l'homme devra lui-même appliquer les lois cosmiques de la pensée. Et pour ça, mais le principe de base, c'est que l'homme, si l'homme, qu'il soit chinois, américain, japonais, n'importe quoi, si l'homme souffre dans sa vie, il souffre toujours à cause de son impuissance. Il ne souffre jamais à cause de ce qui se passe dans le monde. Mais si l'homme s'assujettit à ce qui se passe dans le monde, parce que lui-même est impuissant à corriger ses propres paramètres intérieurs, l'homme va continuer à souffrir, puis comme ça va de plus en plus mal dans le monde, parce qu'on est rendu à un cycle de totale désinformation, de très grande transmutation rapide de la conscience humaine sur la Terre, l'homme est fait à l'os. L'homme va continuer à souffrir. Donc, c'est pas le système qui est responsable de la souffrance de l'homme, C'est l'homme lui-même qui est responsable de sa propre souffrance. C'est pour ça que je peux pas partager la vue des gens qui disent, bon, ben, c'est la société qui m'a rendu comme ça. On a souvent des gens qui sont malheureux, qui travaillent pas, ou qui sont impuissants au niveau du travail, qui disent, ah, ben, c'est la société qui m'a rendu comme ça. C'est pas la société qui t'a rendu comme ça. C'est ton inconscience qui t'a rendu comme ça. Là, tu vas dire, là, il va dire, ben oui, ben, c'est la société qui m'a rendu inconscient. Là, je vais dire, d'accord, la société t'a mal cultivé, la société t'a mal éduqué parce que t'avais pas suffisamment d'esprit. Si t'avais eu suffisamment d'esprit, si t'avais eu moins d'orgueil pour écouter des gens qui avaient du plop, qui disaient à mon petit gars, fais attention à la drogue, mon petit gars, fais attention à cette sorte de musique-là, mon petit gars, fais attention à ci, mon petit gars, fais attention à ton boss qui disait, là, quand je te dis, arrive à 8h le matin, là, je te paye pas pour arriver à 8h30, arrive à 8h, si t'avais été capable de te dompter, t'es arrivé à 8h quand ton boss, t'aurais développé une discipline intérieure, donc t'aurais développé une force intérieure, donc t'aurais développé une force qui t'aura complètement mise à l'abri des égrégores subtils de ta conscience. Tu sais, le gars qui dit, ben, je suis jamais capable d'arriver à l'heure. Comment ça se fait que je suis jamais capable d'arriver à 8h? J'en suis même malheureux. Tu sais? Fait que l'homme est constamment affecté par ces égrégores-là, et éventuellement, il arrive des situations, le boss le met à porte, puis l'autre le met à porte. Fait qu'éventuellement, l'homme se démolit psychologiquement, donc il devient affaibli psychiquement. C'est pour ça qu'un jour, il arrive quelque chose, le plan femme porte, ou il y a un changement de gouvernement, le gars, il est fait à l'os. Les Russes ont vécu sous le dos de l'État pendant des années de temps, ils ont renié l'individualité, aujourd'hui, ils payent pas. Paye très cher. Fait que c'est comme ça que ça marche. La société, ce qu'on appelle la société, ce qu'on appelle le corpus social, ce qu'on appelle le contrat social est régi par des forces sociales collectives, donc l'humanité, l'homme, en fonction de forces maximalement développées ou minimalement développées. Dans un contrat social africain, t'as pas le même rendement que dans un contrat social québécois, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de révolution au Québec? Parce que déjà, on est trop évolué, on est trop avancé. Il ne peut pas y avoir de révolution aux États-Unis, pourquoi? Pour la même chose. Les marxistes n'ont jamais fait de révolution en Allemagne pour la même chose. Parce que les Allemands étaient beaucoup plus avancés, il y avait beaucoup plus d'individualité. Donc, il y a des régions, il y a des peuples où la révolution devient presque nécessaire, parce que ces peuples-là sont totalement abasourdis, ils n'ont pas réellement d'identité. Mais dans des peuples où il y a de l'identité, il n'y en a pas de révolution possible. Par contre, il y a une évolution individuelle possible. Et l'homme est rendu à un point où c'est au niveau de l'évolution individuelle qui est rendu. En Europe, au Japon, en Amérique. On est rendu là. Et l'homme va être obligé de faire la révolution individuelle. Pas la révolution collective, c'est fini, c'est ça. Si on tombe dans une forme de révolution dans les pays occidentaux, ça va être l'anarchie. D'ailleurs, on est dedans, là. Il y en a de l'anarchie. Il y a de l'anarchie à tous les niveaux. Puis de l'anarchie, ça va continuer jusqu'au 21e siècle. Il va en avoir en masse, l'anarchie. Puis l'individu, lui, il va être obligé de se libérer, de se séparer de l'anarchie, parce que l'anarchie ne fait pas partie du contrat personnel, conscient, cosmique de l'homme. L'anarchie fait partie de l'impuissance du contrat social. L'anarchie fait partie de l'impuissance du contrat social. Et le contrat social est basé sur des paramètres économiques. Les gouvernements sont plus capables d'avoir la largesse financière qu'il y avait avant. Parce que l'économie est totalement... est totalement piégée, impuissante, parce que déjà le marché est très développé. Donc, l'homme va être obligé de revenir sur ses propres pattes, il va être obligé de faire une révolution individuelle qui ne touche pas à la conscience sociale, et ça va demander une très grande force intérieure, parce que les révolutionnaires dans le passé, en Russie ou dans les pays socialistes, ou les gens qui ont fait des révolutions, ils ont fait des révolutions par rapport à des groupes. C'est ça. La révolution mexicaine avec Pancho Villa, avec la gang, ça a été fait par rapport à des groupes. L'individu va faire une révolution tout seul. Fait que tu peux pas aller voir là, le gars à côté, des groupes à côté ou des gens à côté pour faire ta révolution, être seul. Et faire une révolution tout seul, c'est très difficile. Parce que il y a personne qui peut t'applaudir et dire, ah ben t'es un grand Che Guevara. Mm-hmm. Parce que t'es tout seul. Fait que ta révolution tout seul, elle va se faire entre toi et les forces. Elle va se faire d'abord au niveau des entités que l'homme va être obligé de mettre en porte. Elle va se faire au niveau des égrégores que l'homme va être obligé d'éliminer. Puis elle va se faire éventuellement au niveau d'un contact télépathique suffisamment avancé pour que l'homme puisse finalement puiser dans des réserves mentales dont la conscience universelle est si vaste que l'homme, à ce moment-là, aurait plus de limites à la conscience de son ego. Ça, ça lui permettra de passer du plan matériel au plan intellect, ainsi de suite, et sortir complètement de la conscience astrale, autant le jour que le soir quand il va dormir. Ça, ça demandera une capacité chez l'être humain de se libérer du besoin de s'associer psychologiquement avec ce que la société peut lui donner. Tant que l'homme va chercher à voir ce que la société, ce que le gouvernement peut lui donner, l'homme va demeurer dans son impuissance. C'est pas le rôle du gouvernement de donner à l'homme quoi que ce soit, c'est le rôle de l'homme de développer ses forces créatrices dont l'engendrement social va permettre à un contrat social de s'émanciper. Puis aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, depuis le mouvement épée, depuis que la drogue est venue dans le monde, puis qu'elle a affaibli la volonté de l'homme, qu'elle a travesti la personnalité de l'ego, là, c'est rendu que c'est le gouvernement qui nous doit quelque chose. Et ça, c'est une grave erreur, puis c'est pour ça que les gouvernements aujourd'hui sont en faillite, puis le malaise social est très grand, l'anarchie est très grande, et l'homme, un jour, individuellement, va être obligé de se récupérer complètement, arrêter de demander au gouvernement ou au contrat social de le récupérer, puis il va être obligé de se récupérer tout seul. Ça va demander une grande force intérieure, puis plus ça va mal, plus ça va être difficile, mais par contre, plus ça va mal, plus il va avoir un terrain, un lieu d'expertise extraordinaire pour lui, qui va lui permettre de se rendre compte éventuellement que l'homme, en tant qu'être de lumière, n'a pas de limite. Il n'y a rien sur une planète expérimentale qui peut bloquer, empêcher un être conscient. Il n'y a rien. Surtout aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de char. Mais si l'homme ne prend pas conscience individuelle de sa responsabilité par rapport à lui-même et qu'il se fie constamment à ce que la société, le gouvernement peut lui donner ou le contrat social peut lui donner, aujourd'hui, l'homme se met le doigt dans l'œil. Parce que les sociétés occidentales, surtout, sont bancrutes. Les gouvernements n'ont plus d'argent. Ils vont être obligés de reviser leur trésor, ils vont être obligés de faire de nouvelles réallocations du militaire au social. Mais ça ne va pas changer rien parce que les problèmes sont trop vastes. Ce que ça coûte pour changer l'environnement, la pollution mondiale, c'est un exemple. Ce que ça coûte pour le gouvernement pour simplement permettre à l'homme d'avoir un programme médical intelligent, ça coûte des fortunes. Donc, l'individu, en attendant, va être obligé de se récupérer lui-même, puis commencer à frotter ses propres bottines, puis commencer à mettre du chou-chaîne sur ses propres bottines pour voir sa figure dans ses bottines. Tant qu'il ne fera pas ça, il va demeurer un sous-produit du contrat social de Rousseau, probablement, ou de la Révolution française, ou de la Révolution américaine, mais il n'y aura jamais de force pour réellement rentrer dans une autre conscience qui, ultimement, le mettra en contact avec une autre dimension et qui lui permettra, finalement, de réaliser ce que c'est être un être humain. Pas un homme, mais un être humain. Pas un produit mécanique behavioriste à la Skinner américaine, mais un être réellement humain dans le sens intégral du terme. C'est ça la conscience supramentale. Ça va demander que l'homme apprenne à éliminer de sa vie, puis c'est un job de 24 heures, toutes les souffrances. Puis il y en a tout le temps les souffrances, tout le temps. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un égrégore qui se promène. Bel téléphone qui arrive, ils vont couper ta ligne en fin de semaine, t'as pas ta job, la compagnie a fermé ses portes. Il y a toujours quelque chose dans la vie qui nous fait souffrir. Ton chum il te triche sur toi, il y a toujours quelque chose. Fait que la vie c'est du théâtre astral, il va falloir que l'homme un jour se serve de ce théâtre-là pour casser en lui la souffrance. Et ça demande une grande force intérieure, ça lui permettra de créer une grande force intérieure. Si l'homme se joue des games dans ce processus-là de revitalisation, si l'homme se joue des games dans ce processus-là où il doit cesser de vivre par rapport à des notions qui sont liées à un contrat social, ou à un contrat philosophique, ou à un contrat théologique, ou à un contrat karmique, qui est le pire, l'homme ne pourra jamais s'engendrer et devenir lui-même, donc l'homme ne pourra jamais connaître le mystère de sa conscience, le mystère de la conscience, les mystères de la vie, les mystères universels. Qu'est-ce que vous entendez par se jouer des games? Se jouer des games, ça veut dire que quand vous souffrez, si vous n'avez pas la force de briser votre souffrance, vous êtes réellement des êtres légumes. C'est-à-dire que vous êtes des êtres qui ne sont pas réels. Vous êtes peut-être des êtres qui allaient dans des conférences avancées, style Bernard de Montréal, des conférences occultes, des conférences... Mais vous demeurez toujours des êtres qui avaient besoin de méthodes. Vous êtes toujours des êtres qui avaient besoin de réponses toutes faites. Il n'y en a pas de réponses toutes faites. Il n'y en a pas de réponses toutes faites. La seule chose qui est toute faite, c'est la souffrance. Puis la seule chose qu'il faut défaire, c'est la souffrance. qu'on ait aujourd'hui accès à des lois concernant le culte du mental, le culte du mensonge cosmique, qu'on ait accès, qu'on soit capable aujourd'hui d'expliquer le mystère de la conscience humaine à tous les niveaux. Très vaste, qu'on peut mettre à la vue de l'homme une fois de temps en temps pour lui démontrer que l'univers est très vaste. Mais si on n'a pas la capacité de défaire ce que le contrat psychologique, idéologique, social, religieux, philosophique nous a imposé pendant l'évolution parce qu'on croyait, à ce moment-là, on n'a pas la force de réellement s'instruire de nous-mêmes. Fait que même si temporairement on peut s'instruire d'un instructeur, ça c'est simplement du griot, c'est simplement de la masturbation psychologique, de la masturbation spirituelle, même de la masturbation occulte. Ça fait en sorte que des individus demeurent psychiquement connectés, liés à cet instructeur-là. Qu'est-ce que les hommes vont faire quand cet instructeur-là n'est plus intéressé à être en public, n'est plus intéressé à donner des conférences, n'est plus intéressé à donner des séminaires, n'est plus intéressé à écrire, que lui-même continue sur des plans plus subtils et se retire complètement? À ce moment-là, qu'est-ce que l'homme va faire? Fait que s'il est donné pendant 10, 15, 20 ans d'avoir des clés à l'évolution personnelle de sa conscience, qui commence maintenant à travailler au niveau de sa conscience, c'est pas par rapport à l'instructeur que l'homme peut grandir dans sa conscience, c'est par rapport à lui-même, avec comme tableau de fond, une instruction qui est mondiale et qui est valable pour toutes les nations de la Terre. D'accord? Mais l'homme doit se prendre en main de ça. Et l'homme doit regarder ce qui se passe dans sa vie au niveau de ses contrats, différents contrats sociaux, et regarder où il y a de la souffrance qui rentre en lui à cause de son allégeance à des contrats sociaux, et couper la souffrance. Fait que, quand vous regardez le phénomène de la conscience, parce que on parle de conscience, on parle de conscience supramentale, ça, ce sont des mots. Ce sont des mots. On parle du plein intellect, ce sont des mots. D'ailleurs, l'homme est obligé de véhiculer des mots pour donner à son esprit une vibration suffisamment présente qui coïncide avec des notions obscures du réel. Mais ce ne sont pas les mots qui vont permettre à l'homme de se rendre conscient. Sa capacité de lutter contre les différents égrégores qui polluent sa conscience, qui ont toujours pollué sa conscience. Et ces égrégores-là font partie de sa mémoire en tant qu'individu comme ils font partie de la mémoire de la race. Donc si l'homme souffre sur la terre, c'est ça. Il a simplement à travailler contre la souffrance. Si l'homme détruit dans sa conscience la souffrance, sans aucun partage, sans aucune diminution de sa force intérieure par rapport aux modalités idéologiques de sa souffrance qui sont issues de différents contrats sociaux, l'homme va en arriver à être conscient et l'homme n'aura pas besoin de s'assujettir à des mots qui sont souvent grandioses, des mots comme la conscience supramentale ou la conscience de cellules qui ne veulent absolument rien dire pour un homme qui n'a pas déjà commencé à lutter contre ses propres égrégores et qui n'a pas commencé à réellement mettre la pointe du marteau ou la pointe de son épée où elle doit être, puis c'est dans sa souffrance. Quand même je parlerai de la conscience des cellules, quand même je parlerai du plein intérêt, quand même je parlerai des civilisations extraterrestres ou intraterrestres, ça ne va donner absolument rien à l'homme, puis c'est pour ça que j'ai eu à en parler, puis j'ai jamais voulu en parler trop, excepté parce que j'étais obligé d'en parler un petit peu. Pourquoi? Parce que l'homme va se chercher dans des notions occultes, des mystères universels, systémiques, d'autres formes de contrats sociaux. Il y a des gens qui ont hâte que les extraterrestres viennent sur la Terre, eux autres, ils vont arranger nos affaires. C'est vrai. Il y a des gens qui se joignent à des sectes d'extraterrestres, parce que au moins dans ces sectes-là, ben, ils vont avoir contact avec des extraterrestres. L'homme n'a aucune notion du pouvoir occulte, invisible, des différents plans d'intelligence dans l'univers systémique qui manipulent la conscience humaine à travers toutes sortes de fourberies intelligentes et qui sont totalement nuisibles à l'homme tant que l'homme ne rentre pas dans sa propre identité. Fait que c'est pas les extraterrestres que l'homme a besoin sur la Terre. C'est pas un contrat social que l'homme a besoin sur la Terre. Ce que l'homme a besoin sur la Terre, c'est d'être totalement indépendant dans son esprit pour pouvoir être libre des lacunes du contrat social et probablement en arriver à créer une certaine, à amener dans la société une certaine force créative qui va aider, qui va nourrir, qui va allumer un contrat social qui a perdu de la vapeur au cours des 200-300 ans, ou un contrat social religieux qui dure depuis des milliers d'années. Il faut que ça vienne de lui. C'est lui qui est la source. La source, ça ne peut pas être le système. Même chose, et encore pire, avec ce que vous appelez les étrangers de l'espace ou les encounters of the third kind. L'homme n'est pas équipé psychiquement pour venir en contact avec des intelligences qui ont une capacité de l'hypnotiser instantanément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vibration mentale. Il n'est pas capable de mettre en échec des intelligences qui ont un taux vibratoire systémique évolutif qui ne fait pas partie de son évolution karmique. Parce qu'il n'est pas dans son intelligence. Fait que l'homme recherche des idéologies occultes mystifiantes ou que l'homme recherche des contrats sociaux mystifiants ou démystifiant, ou des contrats sociaux qui ont plus de puissance, il va être obligé de revenir à lui-même. L'homme est rendu là. Ce que vous dites, ni plus ni moins, c'est qu'il faut enlever une impression qu'on a que les gouvernements peuvent régler nos affaires, puis il faut se donner une couleur. Faut que l'homme réalise que les gouvernements ont un rôle à jouer, qu'ils essaient de jouer leur rôle. Faut pas prendre les gouvernements pour des cons. Faut pas prendre les gens qui sont au gouvernement pour des cons. Il y a de la connerie dans des gouvernements. Mais c'est pas la faute des individus. Les individus sont inconscients. Les individus font de leur mieux. Les individus... C'est comme un gars qui rentre dans la police. Un gars qui rentre dans la police à 18 ans, il veut aller dans la police. Pourquoi? Pour arrêter le crime. Ça fait partie de son... Ça fait partie de sa vocation. Il y a l'esprit pour, il y a le corps pour, il y a les émotions pour en... Il y a un œuvre là à jouer. C'est quand il est rentré dans la police pendant bien longtemps puis qu'il s'aperçoit que être policier, c'est pas facile, parce que c'est complexe le système de police. C'est pas une que la police. Il y a le gouvernement qui est là-dedans, t'as des ordres là-dedans. Le policier fait plus ce qu'il veut. C'est très rigide, c'est très difficile pour un policier aujourd'hui. Le gars qui s'en vient avec le gars qui est dans la drogue, puis qui s'en vient sur la rue avec des canons qui sont gros de même, qui peuvent se pulvériser un building, puis pas avec son petit 38, que c'est que tu veux qu'il fasse? Puis il faut qu'il demande la permission à quelqu'un, il va te tirer ou s'il va pas. J'ai rendu que les policiers ont peur de tirer. Mais les autres n'ont pas peur de tirer, par exemple. Fait que c'est rendu très grave, c'est rendu très difficile d'être policier. C'est rendu très difficile d'être policier. C'est rendu très difficile d'être un prêtre. C'est rendu très difficile d'être n'importe quoi en société aujourd'hui. Fait que c'est pas à l'homme de constamment critiquer l'individu dans une évolution sociale qui fait de son mieux, mais qui c'est rendu difficile à des professeurs d'être des bons professeurs. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent pas être des bons professeurs, mais parce que le système, l'égrégore du système, rend leur tâche impossible. C'est rendu difficile à un journaliste d'être un bon journaliste. C'est rendu difficile pour tout le monde d'agir en fonction de leur conscience parce que les forces égrégorifiées de la vie planétaire sont rendues d'une puissance telle que l'homme n'est plus capable aujourd'hui. Fait que quand tu as des individus qui réussissent pour une raison quelconque, ça fait partie de leur destinée, ça fait partie de leur mission inconsciente sur la Terre, de boquer le système, de briser le gridlock. Qu'est-ce qui arrive? Ils se font assassiner, ou le prêtre se fait excommunier, ou le policier se fait sortir de son poste, ou le policier se fait tasser. Pourquoi? Parce que c'est l'égrégore de la planète, puis ces gens-là dans l'évolution, ces policiers-là, ces curés-là, ces policiers-là, ne sont pas équipés pour savoir et comprendre ce qui se passe au niveau des égrégores d'une planète. Il fonctionne by the book, il fonctionne à l'intérieur d'un livre, il fonctionne à l'intérieur d'une idéologie. Donc, c'est le rôle des individus, des âmes sensibles dans la société, de supporter ces gens-là. Quand je veux dire de supporter, je veux pas dire nécessairement voter pour eux autres, je veux dire les supporter dans leur tête, puis arrêter de critiquer les âmes dans la société qui essayent de faire quelque chose dans un égrégore qui est impossible, puis s'occuper de leurs propres oignons à eux autres. Là, on est rendu là. Quand t'es rendu là, pis y a un policier qui t'arrête sur la rue, pis qui te demande ta licence, tu lui donnes ta licence, pis quand tu t'adresses à lui comme monsieur l'officier, au lieu de faire ton petit crisse de baveux, là. Fait que si le monde commence à être respectueux par rapport aux policiers, les policiers vont relaxer. Fait qu'au lieu d'arriver ses nerfs à notre char, ils vont faire comme en Angleterre. Là, même en Angleterre, ils commencent à être nerveux. Tu parles à un policier, ben si tu te réserves à un policier avec intelligence, ben il va dire, bon ben il y a du monde qui voit un peu qu'on essaie de faire quelque chose. Même si l'égrégore est trop puissant pour nous autres. Vous parlez de responsabilité individuelle par rapport à la société. C'est pas la société qui est responsable de vous autres. C'est vous autres qui êtes responsable par rapport à la société. C'est pas de votre job de changer la société. C'est de votre job de vous changer individuellement. Fait que quand tu te changes individuellement, puis tu regardes le curé, le policier, le juge, l'avocat, tout le monde, le plombier, puis tu agis consciemment par rapport à des êtres qui sont comme toi et Grégorifié, mais là, tu ramènes du respect dans la société. Fait que quand vous serez capable de ramener du respect dans la société, puis plus de respect dans la société, à votre propre niveau individuel, à ce moment-là, la société deviendra un petit peu moins tendue, les égrégores seront un petit peu moins agressifs, puis le policier, quand il parlera, il sera content de te parler, le curé sera content de t'aider, le politicien sera content de te parler d'un programme d'idées qu'il y a, au lieu de toujours être ses nerfs. Pourquoi? Parce que toi, tu auras débarqué de tes propres nerfs égrégorifiés. La partie de l'égrégore, là on parle d'un égrégore social, mais est-ce qu'il y a dans l'être une dimension dans sa pensée ou dans son être qui cherche l'égrégore social? Il y a une dimension, l'homme est tellement égrégore, l'homme a tellement peu d'identité que quand tu rencontres, là je parle au large, quand tu rencontres le politicien, le juriste, le plombier, il est pas capable, il est toujours... Moi j'ai fait couper mon gazon cette semaine-là. Mm. Bon. Il y a un gars qui coupe mon gazon, il a une grosse poitrine, il est bâti comme Tarzan, là. Puis sa femme, elle l'aide, en tout cas, l'emposant à couper du gazon. Puis c'est rendu qu'il dit, il vient me voir, puis il dit, monsieur Attel, il dit, il me reste 8 clients. Je veux couper du gazon. Parce que quand je coupe du gazon, puis je dis, bon, mais ça coûte tant par année, couper du gazon. Là, ça dit. Le monde réalise pas comment est-ce que c'est dur, couper du gazon. Fait que, moi, je coupe mon gazon, j'ai dit comment ça coûte, je fais son chèque, je donne. Le monde, on dirait que le monde, les gens, sont plus capables d'être objectifs par rapport au monde. Le gars, il est plus capable d'être objectif par rapport aux policiers. Le gars est plus capable d'être objectif par rapport aux pompiers. Il est plus capable d'être objectif par rapport aux curés. On est plus capable d'être objectif par rapport à la personne. Sais-tu quoi? Parce qu'on n'est même pas objectif par rapport à soi-même. Donc quand tu n'es pas objectif par rapport à toi-même, parce que tu vis dans tes propres égrégores, tu es fait à l'os, là le contrat social il se dissout, puis éventuellement, le monde, l'homme, dont toi tu fais partie de la conscience sociale, parce que tu es peut-être un policier, tu es peut-être un avocat, tu es peut-être un plombier, tu fonctionnes plus. Donc l'homme, il va être obligé de réellement regarder sa propre conscience individuelle, puis arrêter d'être chien par rapport aux hommes, puis regarder son propre chien à lui, parce qu'on est tous, on a tous, dans notre cul, un Christ de Doberman. On en a tout un. On est tous susceptibles. On s'imagine que tout le monde veut nous fourrer. Puis vous parlez de générosité, mettez-vous dans le cul votre crise de générosité. Merci, Bernard Moyen. Pas parce que la générosité en soi, c'est pas bon, c'est merveilleux, mais il faut que ça devienne intelligent. Puis on a à tous les jours des moyens d'être généreux. Quand tu dis à un policier qui t'arrête sa rue, qui te demande son pas de billet d'avion, mais le driver's license, puis t'es poli avec, c'est de la générosité. On pourrait associer ça je vais vous dire une chose, ça revient au respect, qui fait partie de l'intelligence. Si les gens étaient plus généreux psychologiquement, puis moins généreux avec la pièce, on aura moins de problèmes dans le monde. Puis les gouvernements pourraient prendre leur job. Les gouvernements seraient capables de faire leur job. Parce qu'on a remplacé la générosité psychologique, psychique, par la générosité matérielle. Puis c'est une illusion. Fait qu'on est généreux matériellement parce qu'on peut déduire ça de nos taxes. Mais psychiquement, on n'est pas généreux. Fait qu'on a renversé complètement le visage de la générosité. La générosité est devenue une hypocrisie. Elle est devenue un moyen totalement arbitraire de se former des idées par rapport à nous-mêmes, mais on n'est pas été capable de prendre cette vibration-là puis de la lancer dans le monde, qu'elle soit réellement utile dans le monde. Puis si les gens, si l'homme dans une société comme la province de Québec était capable d'être généreux simplement au niveau du respect, employé, patron, relations humaines, généreux là, ça changerait tout le grégoire de la province, ça changerait toute l'économie de la province. Ouais, ça, c'est une illusion. Cette hypocrisie-là, elle me défonce. à me défendre. Parce que c'est pas réel. Elle prend sa source où exactement, cette hypocrisie-là? Elle prend sa source dans l'invitation qu'on fait à nos propres forces égrégorifiées. On joue nos propres games. C'est ça à travers l'impression, Bernard, que les gens... C'est à cause de notre insécurité. Insécurité. Ben oui, notre insécurité. Notre insécurité. On n'est pas capable de vivre dans la centre même de notre être, parce qu'on n'est pas capable de dealer avec un avocat, un juge ou un homme, un travailleur, normalement. On a toujours l'impression que le monde sont out to get us. C'est rendu à un point que dans la société aujourd'hui, le niveau de paranoïa sociale est tellement avancé que ça devient grave. Il y a du monde dans le monde qui veulent être des bons curés, des bons avocats, des bons plombiers. Bon, on y met toute une masse, là. Qu'il y ait des problèmes sociaux, c'est normal. Ça fait partie de la rupture, de la brisure du contrat social, la dissolution du contrat social. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de respect. C'est le fait qu'il n'y a plus de respect que ça va mal dans le monde. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a en masse. Il n'y a plus de respect. Puis après ça, on va aller se berloter avec des idées ésotériques, Bernard Montréal, là, tout ça, là. Puis on n'est pas capable d'utiliser ce point de départ-là pour réellement galvaniser nos liens entre nous autres et le monde. Des illusions. Pensez-vous que les gens cherchent à rétablir un respect à travers des formes plus subtiles parce que les formes matérielles ne leur permettent pas de goûter à ce respect-là? Le respect commence dans ta tête. Le respect fait partie de l'intelligence. L'intelligence, si tu peux pas aimer, si t'es pas intelligent, tu peux pas aimer réellement. Mm-hmm. Tu peux aimer astralement, mais tu peux pas aimer réellement. Fait que l'amour et l'intelligence, ça va ensemble, puis le respect, c'est l'intelligence de l'amour. Un homme qui n'a pas de respect n'a pas l'intelligence de l'amour, donc un homme qui n'a pas de respect n'aime pas. Fait que si t'aimes pas, s'il n'y a plus de respect dans une société, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans une société, puis quand je parle d'amour, parlez-moi pas de l'amour de Rome, là. Je parle d'amour, autrement dit, je parle d'un état mental qui convient à un être humain noble, c'est-à-dire réel. C'est ça de l'amour. Une capacité d'échanger avec l'être sur une base totalement créatrice. C'est ça de l'amour. L'amour, c'est pas un sentiment dans le fond de tes culottes. L'amour, c'est un état mental. Le sentiment dans le fond de tes culottes, ça fait partie de la sensualité de l'amour. Ça, c'est un opin de manche, j'ai rien contre ça. Mais parlez-moi pas d'amour dans le sens qu'on a connu pendant l'évolution. Il n'y en a pas eu d'amour dans l'évolution. L'amour ne fait pas partie de l'évolution parce qu'il n'y a pas eu d'intelligence dans l'évolution. Il y aurait de l'amour dans l'évolution. L'homme saura qu'est-ce que c'est aimer dans l'évolution. Mais ce ne sera pas l'amour qu'on a connu pendant des milliers d'années. Ça va être un opin de manche. Ça va être un amour mental, il n'y aura pas d'émotion là-dedans, il n'y aura pas d'égrégore là-dedans. Fait quand le policier vient puis il t'arrête, puis il dit, monsieur, vous faites 120 000 à l'heure, t'as fait 120 000 à l'heure, merci monsieur. Alors il va dire, c'est lui qui va tomber sur le cul, il va dire, ça se peut-tu qu'un citoyen soit de même? Il n'en reviendra pas, il va en parler à sa femme quand il va arriver à la maison le soir. Ou il va avoir toutes des petits baveux, là. Fait que la responsabilité sociale de l'homme par rapport au contrat social, elle commence avec lui, elle ne commence pas vers l'extérieur. Puis il est temps aujourd'hui que le monde commence à renverser la tendance libérale des penseurs, des intellectuels, puis des politiciens, puis commencer à ramener la responsabilité de la vie sociale chez lui, en lui, par rapport à lui, pour l'homme, mais en fonction d'alternatives qui conviennent parfaitement à son équilibre. Sans ça, tu deviens esclave d'une société. Maintenant, le respect là, dont on parle, l'individu qui vit sa forme de révolte face au contrat social, comment il peut ramener ça à lui dans le premier mouvement là? Quelle est la première étape qu'il faut qu'il perçoive là? Comment il doit établir le fait que... Faut qu'il prenne conscience de ses failles. Faut que l'homme prenne conscience de ses failles. Puis c'est quoi ses failles? Ses failles sont les choses qui le font souffrir. Le gars qui est jaloux que sa femme le triche le soir, ou la femme qui est jalouse que le gars le triche le soir, puis qui n'aille pas réellement au bureau jusqu'à 9h30, mais qui aille prendre un petit drink ou quelque part dans un club, il y a une faille. Mm-hmm. Peut-être que sa femme elle le triche, peut-être que son mari la triche. Attends de voir, check, fais l'investigation, check ça. Au lieu de vivre tout un égrégore, là, il me triche-tu pas, il m'aime-tu, il m'aime pas. Mm-hmm. Autrement dit, on a des failles. Puis ces failles-là, il faut qu'on les voit parce que ce sont ces choses-là qui nous font souffrir. On souffre à cause de nos peurs. On souffre pas à cause de la société. On souffre à cause de nos peurs. Parce que si un soir, le gars s'aperçoit que sa femme le triche, puis il dit, écoute, Dodone, tu m'as triché. Elle va dire, ouais, c'est vrai, je t'ai triché. Puis il va dire, ben pourquoi est-ce que tu m'as triché? Puis elle va dire, ben parce que je suis en amour avec un autre. Puis là, il va dire, ben t'es-tu en amour avec moi? Et elle va dire, bon, ben je t'aime, mais je suis en amour avec toi. À ce moment-là, tu prends une décision. Là, tu vas dire, bon, OK, on se lève. Elle va être contente. Parce que là, tu as facilité la tâche. Je vais dire, OK, on se lève. Au lieu de faire une guerre à tout casser. Mm-hmm. Ou essayer de la garder dans son corral. Puis dire, bon, ben, ma sacrament, si tu me triches, je te fais sauter avec un 38. Il va finir dans la grande bâtisse. Ou il va finir en prison. C'est toujours nos frères. Et l'homme, il va être obligé d'apprendre un jour à se regarder le nombril au lieu de regarder le nombril des autres. Parce que le problème de l'homme, le problème de l'humanité est tout basé sur le fait qu'on ne se regarde pas le nombril. Si tous les hommes, les 5000 humains sur la Terre se regardaient le nombril, la Terre deviendrait un gros nombril cosmique. Vous disiez qu'on ne peut pas avoir de respect quand on est faible. Tu peux pas avoir de respect dans le sens réel du terme quand tu es faible, parce que avoir du respect, ça veut dire aimer, puis aimer implique d'être intelligent. Parce que quand tu es faible, tu peux pas avoir de respect. Le respect, toi, c'est simplement une dilution de ça, c'est un placebo. Tu respectes le gars qui a 6 pieds 4 parce qu'il a des gros muscles. Tu respectes la fille parce qu'elle est capable de te faire tourner autour de son petit doigt. Tu respectes le curé parce que c'est un jésuite, puis toi, t'es un dominicain. Tu respectes l'avocat parce qu'il a plus d'éducation, puis toi, t'es un notaire. Tu respectes l'autre parce que toi, t'es pas ce qui est. Tu respectes l'autre par comparaison négative. Tu respectes pas l'autre parce que il est ce qui est, puis toi, est ce que t'es. Tu respectes le policier parce qu'il est gone. Tu respectes pas le policier parce que c'est un être humain qui fait un job social important. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on est tout à refaire, puis qu'on est tout à l'envers, parce que l'évolution, c'est à l'envers. Puis toutes les idéologies, les contrats sociaux qui font partie de l'évolution progressive psychologique de l'humanité, des races, des nations, ça fait partie de l'évolution de la civilisation. Mais l'homme conscient supramental ne fait pas partie de l'évolution de la civilisation humaine, il fait partie de l'évolution de la conscience cosmique sur la Terre, qui un jour créera sa propre évolution au niveau de la civilisation, quand ça sera le temps, dans des conditions qui font partie des secrets cosmiques du système dans lequel nous vivons, en relation avec d'autres intelligences, quand l'homme sera prêt. Quand vous parlez de souffrance, est-ce que la première souffrance qui est la plus apparente sur laquelle on peut travailler rapidement, c'est la pensée? Est-ce que quand une pensée nous fait souffrir, on peut dire que c'est vraiment là qu'on est à la source? Quand vous vivez des pensées qui sont connes, quand vous vivez des égrégores, autrement dit, parce qu'une pensée, quand c'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Ouais. Quand ça te fait souffrir, une pensée, automatiquement, c'est pas intelligent. Une pensée, c'est pas supposé te faire souffrir. Fait que si une pensée te fait souffrir, ben à ce moment-là, ben, t'accoupes, tu y crois pas. Fait que, il y a une énergie que tu relances à un autre niveau, tu repuises dans d'autres réserves qui font partie de ta conscience universelle, puis éventuellement, ben, tu vois clair. Mais si tu gravites autour de ça, il y a des gens qui ont dépensé, là, puis en plus du fait que l'homme a un écran mental, là, votre imaginaire, là, puis ça se basque là-dedans, puis ça se basque là-dedans, puis ça se regarde là-dedans. La fille, elle vient de perdre son chum, là, puis le sacré là pour une autre fille, là, puis elle regarde les petits moments, là, quand il était dans le cynique, là, comment ça s'appelle ça, à la Ville de Montréal, là. À la ronde, là, puis ils s'embrassaient, puis ils se mangeaient, puis ils mangeaient leur popcorn, là, puis il y avait les mains en haut de sa jupe, puis t'es contente, là, puis tout, là, puis là, il rêve de ça, là, tu sais. Ouais. Comment est-ce que tu veux, l'homme baigne dans l'égrégore, puis là, il va en rêver encore le soir, où il dit, bon, c'est fini, là, tu t'en cherches un autre. Fait que, là, vos pensées sont égrégorifiées, check-les, quand ils n'ont pas d'allure, tu coupes ça, puis après ça, ben, là, automatiquement, le mental se met en vibration, puis t'en arrives éventuellement à pouvoir composer avec des pensées qui sont de plus en plus créatives, puis c'est ça l'évolution de la conscience supramentale. Bon, la personne qui s'attaque à la pensée s'attaque à la source de tout ce qui est. La personne qui s'attaque à la pensée s'attaque à la souffrance de la pensée. Regardez vos souffrances. Fait que quand tu vois, là, puis tu souffres, là, parce que, là, tu mangeais ton canard de crème glacée, là, dans les airs, là, puis tu souffres, puis ça te manque, coupe-toi. Sauf là, quand tu devais manger la crème glacée dans les airs au Sénèque, là, t'as niaisé, c'est fini, cette affaire-là. C'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Ah, ça revient, puis l'année, il va être sa job, puis il va voir encore la crise de crème glacée. Il y a une petite calice. Lâche-les, le crème glacée. Fait que ça te fait souffrir. Ouais. Fait que si tu le coupes la souffrance, ça, c'est être intelligent. Vous parlez des égrégores. Il y a du monde qui se darlotte là-dedans. C'est rendu à 50, 60, 65 ans, là, quand ils ont perdu le mari, puis ils ont perdu la famille, là, surtout quand la femme, il y a 50, 65 ans, là, a perdu son mari, là. Là, ils revivent dans le passé. Au lieu de connecter avec du monde qui sont jeunes, qui sont de son âge, puis se serrer notre chambre. C'est notre chambre rendu à 65 ans. C'est pas fini. C'est plein de vieux de 65 ans qui veulent rencontrer des vieilles de 65 ans. Non, c'est ça, ça va là. Ben non, là, marmonne à ses enfants, elle va dire, ah, ben mon, ton père, là, c'était le meilleur que j'ai eu, puis il n'y en aura pas d'autre de même, là. Puis là, ça a peur niche, là, tu sais. Il n'y en aura pas d'autre de même. Il est à bon, il est un petit bon ton père. Ou je peux pas me trouver l'autre homme, que c'est que les enfants vont dire? Qui mange la mort des enfants, câlisse? Bonjour.